Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis encore une fois de sacrifier à une tradition qui est devenue républicaine, la levée des couleurs, tous les premiers lundis de chaque mois. C'est toujours l'occasion de laisser un message à l'endroit de nos concitoyens. Je voudrais, saisissant cette opportunité, au lendemain de la visite de Madame la Directrice Générale du Fonds Monétaire International, qui est venue accompagner le Sénégal dans ses politiques à travers notamment le plan Sénégal émergent, qui est la confluence des programmes de politiques publiques pour le développement économique de notre pays et pour son émergence. Encore une fois, considérer que nous avons là un motif d'encouragement à poursuivre les efforts dans l'efficacité de la dépense publique, dans son orientation vers les secteurs productifs, mais aussi les secteurs sociaux. Alors, il faut toujours le rappeler, le plan Sénégal émergent, dans sa composante numéro 2, considère l'économie solidaire et inclusive comme un des piliers fondamentaux. Donc, c'est ce qui explique ces politiques sociales qui ont été mises en place pour accompagner la plupart de nos compatriotes qui en ont besoin. Et cela va se consolider. Mais à côté de ce volet social extrêmement important qui peut être décliné dans le secteur de la santé, où d'importantes choses sont en train d'être faites à travers la couverture maladie universelle, à travers également tout le programme de vaccination, mais aussi toutes les politiques de gratuité pour les 0 à 5 ans, mais également d'autres politiques de gratuité pour certaines maladies connues et chroniques. Mais il faut aussi considérer ce taxe 2 à travers l'éducation, avec tous les efforts que nous sommes en train de poursuivre pour que l'éducation et la formation de notre jeunesse, et à travers cette jeunesse, je salue la case de tout petit de Diarra Farba Paye qui est venu aujourd'hui participer avec nous à cette cérémonie de levée des couleurs, constitue véritablement les axes majeurs de ce fonds social. Il faut bien entendu poursuivre la bataille économique et c'est le sens du conseil présidentiel que je réunirai tout à l'heure, consacré à l'autosuffisance en riz. Vous savez que c'est un programme essentiel du plan Sénégal émergent à travers son volet PRACAS, programme d'accélération de la cadence agricole au Sénégal, avec son volet riz, qui est le programme national d'autosuffisance. Et nous aurons tous les acteurs tout à l'heure et nous prendrons les mesures qui permettront au Sénégal d'arriver à ses objectifs. Quoi que cela est essentiel. Maintenant, tout le reste, nous devons prêter une attention, bien entendu, à tout ce qui se passe à l'intérieur du pays pour la paix sociale, pour la paix civile, dans le respect des institutions, dans le respect des principes de la séparation des pouvoirs et dans le cadre d'un dialogue citoyen. Et dans ce cadre, je voudrais donner l'assurance à toute la communauté nationale, à la classe politique, que je reste absolument ouvert, la porte reste ouverte à tout le monde, y compris à l'opposition. Il n'y a, de ce point de vue, aucun problème. Mais il faut bien serrer les problèmes, ne pas créer de confusion sur les choses, puisque une chose relève de l'exécutif, du président de la République, de son gouvernement, une autre chose relève de l'Assemblée nationale et une autre chose relève de la justice. Donc on ne peut pas faire comme si tout était mélangé. Mais je reste encore une fois extrêmement ouvert à l'égard de l'opposition et de ma porte est ouverte. Voilà. Boulo nous verso comme tu tank. Nous sommes Yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamné mayal nañu ñu ñew féké bëss bi nga xamné ci lañuy magal raay réew mi muy altiné bu jitu ci wër mané nak barki demb am nañu gangu mag jo xamné ci walu kom komu aduna ñom ñoo yor mo yilif kurel gi yor khalisu aduna bi nu mu wara doxé ak kom komi nuñ leen wara ba nga xamné jafé du am muy fonds monétaire international. Bama taxawale plan Sénégal émergent ñu bari gëmuñu ko won tax nekkon na lo xamné xeyna buñu amulon sañ ak gëm ne li ñu fi fekk muy ay politique de lutte contre la pauvreté du lolu moy jëmele Sénégal kan way nañu am sañ sañ ak gis gis ak bëgg bëgg buy tax suñu réew ñu ne kat ñun bëggu ñu yam rek ci xeex ndol waaye réew dafa war a am nag ambition jëm kanam ambition fexe ba am développement loolu yàlla defal nañu si sutura xeex nañ ko ba bind ko forom fàcce ko te Sénégal la jóge fii la jóge du lu ñu jëlalee bitim réew nga xam ne boo demee beneen réew da ngay fekk même programme yi bañ ko xaymaa xalaat ko naal ko ba joxe ko waxtaan si ak ñeñ ci war a waxtaanal dem ci France waxtu wi daaw 24 février ñoom ñëpp ñu d' accord si ne mbind mi jaar na yoon xalaat bi rafet na yéene bi yaatu na lool mën nañ ñu si topp si kaw ne woo ne suñu farlu ci liggéey boobu loola waral nag ren gis nga budget bi biñ koy def dama dindi pratique bi fi amoon maanaam budget dañ daan ñëw rek jël service voté at mi jiitu ñu xool yan mesure nouvelle la ñuy indi te loolu mënul indi rupture rupture ren bi nag mooy dañu ne balaa ñuy def budget nañu xool ci plan bi nga xam ne moom la ñu tënk ngir yokkute réew mi nan la ñu def ba ñun suñu jëmm bopp dèjà Sénégal li ëpp ci koom-koom bi ñoo koy defal suñu bopp donc dañu amoon benn programme ci juróomi at ñu tuddee ko PAP boobu nag at mu ne BCI bi am na ci wàll donc BCI boobu nañu tibb li ëpp solo ci li jëm ci projet yi ak réforme loolu la ñu doxal moo waral ren nga gis Sénégal mën a songandoo ñaari université parce que priorité la pour njàng mi nécessité la pour koom-koom réew mi ak vraiment yi am ci enseignement supérieur ni nga xamante ne noonu la population bi di yaatoo war nañu am kuréel yu bees université yu bees yoo xam ne aussi yu ànd ak mandarga lay doon yu ànd ak lépp lu ci war lay doon ci wàllu santé naka noonu war nañu jàppale askan wi ci wér-gu-yaram war nañu fexe itam ba ñi nga xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw nguur gi di leen fàttaliku loolu moo war programme bourse sécurité familiale waaye nag loolu yëpp lu am solo la mais il faut ñu doxal koom koom boobu nag mooy tax réew mi jëm kanam te bokk na si li si jiitu pour ñu transformer suñu koom-koomu réew mooy wàllu mbay mi waaye nag mbay mu bees mbay moo xam ne dana indi yokkute ci réew mi li si jiitu mooy am réew li muy dunde dafay war a fexe defal ko bopp Sénégalais ku ne xam ne ceeb moo fi li nga xam moom la ñu gën a soxla ci dundin ma jël décision ne ceeb dinañ ko attaqué suñu gouvernement dinañ ko réglé fexe ba diiru fii ak ñetti at dèjà en tout cas bu ci yàlla àndee ñu fexe consommation Sénégal dootuñ ko jéggaani loolu tey jii bu ñu fi jógee lay dajale képp kuy yëngatu ci wàllu ceeb ci biir Sénégal moo xam baykat bi moo xam ki nga xam ne banque la wala boog transformateur bi ki yor usine bi wala importateur yi jëlee ceeb bi dim réew di ñëw démb waxtaan ak ñoom ñu jël engagement yu am solo moo xam gouvernement la ak yeneeni kuréel ñu yëkkati lépp loo xam ne ay gàllankoor la jëm ci mbay moomule pour que ñu jëm kanam loolu nag dama jël benn exemple tey muy programme mbay boo demee ci càmm gi moom ngay gis boo demee ci énergie moom ngay gis loolu daal ci la ñu nekk mu bëgg ñu farlu si du tere nag suñu dundin ci biir réew mi dañ ciy bàyyi xel parce que laata may ñëw si loolu sax barki démb laa jógee Addis Abeba ñu joxaat ma raaya Népat kóoréef la encouragement la te Népat aussi buñ ko waxee suñu président Abdoulaye bi fi newoon bokk na si ñi ko njëkk a bind kon tey buñ ma ko joxaatee ñaari at ci Afrique yëpp loolu njukkee la bu ñuy defalaat Sénégal ñu ci sant di ci gërëm beneen yeneen yi taxawaay am nañ ko ci àdduna bi mu def nag wàllu bi réew mi loolu tam àdduna moom la kulyaalin réew buy dox du ñàkk ay jafe-jafe waaye Sénégal démocratie am droit de l' homme kenn mënu ko gàkkal mënul nekk parce que ku ne xam ne ne fii démocratie moo fiy dox li ñuy yekk président de la République di ñuy yekk gouvernement bi di ko yekk ku ne gis na ko kon taxaw fii Sénégal naan amul droit de l'homme amul dictature la loolu ay waxu caxan la mu def nag bu jafe-jafe amee nañu xool fañ ko war a réglé parce que réew ay kuréel la fii exécutif moo fi nekk président de la République gouvernement mooy réglé doxalin bi ak kattan bi kooku jabare président de la République yi nga xam ne mbiru justice la justice moo koy réglé man ci sama gouvernance kenn mënul fexe ne président dana dugal loxom ci justice di ko jaxase wala di yooyu du sama doxalin assemblée nationale bu ñu def loi moo koy wote du président mooy wote loi donc loolu tant que ñu ngi koy xam maintenant nag leneen lu ci am su ci toogaay waree am wala waxtaan amul benn jafe-jafe parce que man duma nit ku tëju donc tëjuwuma contre l' opposition tëjuwuma contre maître Abdoulaye Wade parce que léegam nee na dafa tendre loxo ben loxo boobu bu ko tendree ñu wuyu ko mais amul benn jafe-jafe tout est pareil du menu de la discussion mais amul benn problème en tout cas ci wàllu nit ki wala ci wàllu lépp loo xam ne en tout cas c' est plan humain loolu laa bëggoon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.